Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les cigares du pharaon. Quatrième épisode. Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Après une traversée houleuse du désert arabique, Tintin a été contraint de s'enrôler dans une garnison. Il venait de trouver des cigares marqués du signe du pharaon Kiosque dans le bureau du colonel lorsque, découvert, il a été condamné à mort pour espionnage. Sauvé par les Dupont, Tintin a pu s'enfuir en avion. C'est en Inde qu'il a atterri. Là, dans la jungle, il a retrouvé le professeur Cyclone. Mais celui-ci semble avoir perdu la raison. Avec l'aide de ses nouveaux amis, les éléphants, Tintin tente de rejoindre un endroit où le faire soigner. Là-bas, j'aperçois la terrasse d'un bungalow. Approchons-nous, vieux frère. Bonjour, monsieur. Excusez-moi si je vous dérange. Mais voilà, j'ai trouvé cet homme errant seul dans la jungle. Hey, mon scotch. Il a visiblement perdu la raison. Savez-vous s'il y a un médecin à proximité? Vous avez de la chance. Le docteur Fini est justement en tournée dans le district. Je peux le faire appeler tout de suite, si vous voulez. Vraiment, ce serait très aimable à vous. Quelques instants après... Et voilà toute l'histoire, docteur. Pensez-vous que cet homme pourra un jour recouvrer la raison? C'est possible. En tout cas, il faut qu'il soit conduit immédiatement dans un asile. Il y en a un, à 30 milles d'ici. Son directeur est un de mes amis. Vous pourriez lui amener le malade demain, qu'en dites-vous? Si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire... En attendant, vous êtes mon invité, young man. J'ai justement organisé pour ce soir une petite réception. Vous pourrez faire ainsi connaissance avec la society du district. Avec plaisir, Major. Je vous présente notre sympathique pasteur. Mr. Peacock. How do you do, sir? Et voici Mrs. and Mr. Snowball. Hello. Nice to meet you. Enchanté. Notre célèbre écrivain, Mr. Slotsky. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Vous comprenez, nous aimons notre rêver de temps en temps entre nous pour jouer au bridge et porter un toast à notre cher roi George V. Ah, je vois. Mais dites-moi, Major, quelle est cette arme curieuse qui est accrochée au mur? Serait-ce un poignard hindou? Il s'agit d'un kutar à l'arme dite langue de bœuf. Ah. Je l'ai reçu d'un fakir qui m'a assuré que cette arme avait le pouvoir d'aller se planter d'elle-même devant toute personne menacée d'un grave danger. Attendez, je vais vous la faire voir de plus près. Je suis désolé, il m'a échappé. Comme c'est étrange qu'il se soit planté devant vous. J'espère que vous ne ferez pas là un sinistre présage. Mais pas du tout, Major, rassurez-vous. Ce n'est qu'une pure coïncidence et puis... Je ne suis pas impressionnable à ce point. Ne vous inquiétez pas, mes amis, ce n'est que le vent. Nous allons avoir une tornade ce soir. Oh my God! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela venait de la chambre du professeur Cyclone. Vite! Plus personne. Il a dû sortir par la fenêtre. À moins qu'on l'ait enlevé. Oh! Mais c'est ma femme! Elle s'est évanouie. Allongeons-la sous ce canapé. Personne. L'agresseur a dû s'enfuir. Oh, my dear. Reprenez vos esprits. Tout va bien. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, un fantôme. J'ai vu un fantôme. Quelle horreur. Le poignard. Comment ça, le poignard? Je l'avais posé là sur la table. Il a disparu. Saïd! Saïd! J'ai vu un esprit. Un esprit tout blanc qui courait dans la forêt. Oh. Drôle de fantôme qui a besoin de s'emparer d'un poignard. Malheureusement, impossible de le poursuivre cette nuit. Le temps est trop déchaîné. Nous verrons demain matin. En attendant, prenons un bon whisky. Le lendemain. Essaie de ne pas perdre sa trace, mon vieux Milou. Son chapeau. Nous sommes sur la bonne piste. Drôle de couvre-chef tout de même pour un explorateur. Je me demande comment il m'irait. Alors, Milou, comment tu me trouves? Attends, attention derrière toi! Sapristi! Il va mourir, démon! Mais ma parole, il est fou! Il faut que je parvienne à lui reprendre ce poignard sans quoi. Professeur, regardez là-bas. N'est-ce pas le dieu Osiris? Osiris? Où ça? Donnez-moi cette arme! Et voilà! Mon poignard! Je veux mon poignard! Pas question! Si. À son âge, pleurer comme un bébé. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi vous avez cherché à me tuer. Allons, répondez. Ce n'est pas moi. Ce sont les yeux. Les yeux? Quels yeux? Quels yeux? Oui. Je me souviens. Non, mes yeux ne te verront plus. Oh non, voilà qui remet ça. Non, mes yeux ne te verront plus. Ramsès II, vous allez immédiatement retourner auprès de ses yeux. Allons, ah, en route. Ah bah oui, d'accord. Viens, Milou, suivons-le à distance. Peut-être que nous aurons la clé du mystère. Oh, les yeux. Mais qui est ce fakir? Tintin est-il mort? Non, il n'a pas voulu se laisser tuer. Incapable! Eh bien, j'emploierai l'homme qui écrit. Il sera sûrement plus obéissant. Et lui, au moins, n'aura pas besoin d'être hypnotisé. Où les mains? Tintin! Vous allez me suivre jusqu'au bungalow du major pour que nous éclaircissions tout cela. Entendu? Mais ne me regardez pas comme ça, enfin. Je... Oh, vous... Oh, ses yeux... Je te tiens, sale fouinard. Oh, le mignon petit jouet. Quoi? Bon sang, il a pris mon revolver. Tout sans abri. Oh, il n'y a plus pif paf. Oui, voilà, fini de jouer. Maintenant, tu viens avec moi. Et pendant ce temps-là, le fakir a disparu, évidemment. Bon, laissons-le courir et allons chez l'homme qui écrit. Cela ne peut être que Zlotsky. Quelques minutes plus tard... Je vais être franc avec vous. On en veut à ma vie. Alors vous allez me dire tout de suite ce que vous savez à ce sujet. Moi? Mais je ne comprends pas. Pas de mensonge. Parlez, et plus vite que ça. Sinon, pif paf. Attendez, attendez, ne tirez pas. Je vais parler. D'accord. Bon, à vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Il s'agit d'une bande internationale de trafiquants de drogue. Ce sont eux qui cherchent à vous supprimer. Et vous faites partie de cette bande? C'est-à-dire... En fait, il y a ici certains membres de cette organisation Ils vous ont reconnu, alors ils ont télégraphié au chef. Et qui est ce chef? Attendez. Cet homme a été très surpris de vous savoir toujours en vie. Il a donné l'ordre de vous faire disparaître. C'est le fou qui devait vous abattre, et c'est dans ce but qu'il a été hypnotisé. Bon, mais alors quel est le nom de ce chef? Je ne peux pas vous le dire. C'est impossible. Il punit de manière terrible tous ceux qui le trahissent. Mais je dois savoir. Il s'appelle... Ah, quelqu'un était derrière les persiennes. Vite, rattrapons-le. Je suis déjà puni. C'est la vengeance de la bande. La fléchette qui m'a piqué est empoisonnée au suc de Radjaïdja, le poison qui rend fou. Le poison qui rend fou? Le chef? Son nom? Dites-le-moi, vite! Il était une bergère, héron, héron, petit papa. Oh. Allons, les enfants, la récréation est finie. Qui peut me dire qui a succédé à Ramsès II? Moi, monsieur! Maintenant, ils sont deux à être complètement siphonnés. Oh, je t'aime. Eh bien, docteur, nous voilà maintenant avec deux fous sur les bras. Conduisez-les à l'asile dès demain. Je vais vous faire une lettre à remettre au directeur de l'établissement. Voici une lettre du docteur Finet, monsieur le directeur. C'est au sujet de ces deux malades que je vous amène. Bon, je vois. Oh, très bien. Infirmière ? Infirmière ! Occupez-vous de ces deux messieurs, je vous prie. Bien, docteur. Voulez-vous bien m'accompagner pour les formalités d'usage ? Bien sûr, je vous suis. Par ici. Voyez, c'est dans une cellule semblable à celle-ci que vos pauvres amis seront logés. Ah, ce n'est pas mal du tout. Heureusement que le docteur Finet a pris soin de m'écrire cette lettre. Jamais je n'aurais deviné que ce jeune homme était un fou dangereux. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Votre ami sera très bien soigné ici. Nous plaçons toute notre confiance en vous, mon ami. Au revoir. Au revoir, Papa Noël. Tout en amont, vous êtes invité à déjeuner. Allô? Oui, chef. J'ai remplacé la lettre du docteur par une autre en imitant son écriture. Elle disait que c'était Tintin lui-même qui était fou. Tranquille, on va vous passer la camisole de force. C'est compris? Mais monsieur, si c'est une plaisanterie, elle doit cesser tout de suite. Ce n'est pas moi qui suis fou, mais les deux hommes que j'ai amenés ici. Mais oui, bien sûr. Et moi, je suis champion de cricket. Fou. Ils me prennent pour un fou. C'est inimaginable. Là, je n'ai jamais vu aussi énervé. C'est l'heure de la soupe. La soupe? Puis quoi encore? Voilà ce que j'en fais, moi, votre soupe. Vite, c'est le moment. Non. Plus que ce mur à franchir et je suis libre. Mais comment faire, Amilou, si seulement tu pouvais me faire la courte échelle? Milou, non, ce n'est pas le moment, je vois un cache-cache. Qu'y a-t-il derrière ce buisson? Un trou. Eh bien, à défaut d'une échelle, nous allons jouer les passe-murailles. Bien joué, Milou. Ne moisissons pas ici. Un train. Soit je saute dedans, soit je suis repris. Il n'y a pas à hésiter. Bah, et moi, alors? Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Malheur ! Nous a échappé. Bon, je sais ce que je vais faire. Ce train se dirige vers Arbuja. Je vais tout de suite téléphoner à la gare pour donner son signalement. Ouh, sauvé. Pourvu que Milou ait la bonne idée de suivre la voie. À la première occasion, je descends. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Encore vous. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Je dirais même plus. Quel heureux hasard. Alors même que nous avions complètement perdu votre trace. Qu'est-ce qui se passe? Quelle telle lumière? Mais non, Michou, c'est un tunnel. Ne lâche pas Tintin sur... Ne t'en fais pas. Je le tiens. Hein? Mais où est-il? Ça perd les popettes. C'était toi? Vite. Cherchons-le, il ne peut pas être loin. Oui, loin. Il ne peut pas être vite. Que se passe-t-il encore? Quelqu'un a tiré le signal d'alarme. Madame, excusez-moi. Auriez-vous par hasard aperçu un jeune homme, pas très grand, avec une houppette? Ah oui, c'était un tout jeune homme. Il m'a demandé de le cacher, mais j'ai tiré sur la sonnette. Seulement, il a profité de l'arrêt pour filer. Je l'ai vu partir par là. Bien, allons-y. On ne peut pas avoir pris une grande avance sur nous. Oui, nous l'aurons vite rejoint. Et voilà, le tour est joué. Tintin, où es-tu? Et ces rails qui n'en finissent pas. Vont-ils donc s'arrêter? Ah, voilà quelqu'un. Je vais lui demander mon chemin. Pardon, madame la vache qui regarde passer les trains. Pourriez-vous me dire à quelle heure vous avez vu passer le dernier? Misérable chien, ne m'adresse pas la parole. Ignores-tu que je suis un animal sacré? Vous? Un animal sacré? La bonne blague. Ah, tu te moques de moi en plus. Je m'en vais t'apprendre la politesse, moi, sale cabot. Mais c'est qu'elle est hargneuse. Si tu crois que tu vas pouvoir m'attraper. Où es-tu passé? Je suis là. Et maintenant, à l'attaque. Regarde, un chien qui attaque une vache sacrée. Sacrilège. À mort. Là, j'ai peut-être fait une bêtise. Arrête. Bon, comment vais-je pouvoir sortir de cette gare, moi, maintenant? Orange, papaye, les fruits. Je vais tout de même pas rester là à attendre Milou. Un fruit, Saïd? Ah, oui, tiens, bonne idée. Ah bah, donnez-moi quelques-unes de ces petites bananes, je vous prie. Merci. Mais dis donc, elles sont excellentes, vos bananes. Pas d'erreur, c'est lui. Il correspond exactement au signalement. Mais que me veulent ces trois policiers? Arrêtez là, vous. Malheur, je suis déjà recherché. Ah, c'est chéri! J'ai bien fait d'acheter des bananes. Et hop! Et hop! Oh. Et deux. Attends, gredin, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Oh. Voilà pour le troisième! Pendant ce temps-là, et pour réparer l'offense faite à notre vénérée vache, nous allons immoler ce chien sacrilège sur l'autel de Shiva. Tintin, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Shiva le destructeur! Daigne agréer le sacrifice que je vais t'offrir. Meurs donc, infâme créature! Arrête ton bras! Oh, sacrificateur, Shiva n'a que faire d'une aussi misérable victime. Malheur, le dieu est en colère. Et voilà parti, tout va bien. Je dirais même plus, tout va bien. Vite, délivrons le chien avant qu'il ne revienne. Je m'étais trompé. Ces gars sont des chic-types, en fait. Grâce à lui, nous allons enfin pouvoir retrouver son maître. C'est que nous aussi, nous avons du flair. Et maintenant, lieutenant, qu'est-ce qu'on en fait? On le ramène à l'asile. Le directeur sera sûrement ravi de récupérer ce pensionnaire récalcitrant. Attention ! Je n'ai rien. Quelle chance. Vite, profitons-en pour filer. Si seulement je pouvais en trouver Milou, je serais... C'est un mauvais jour aujourd'hui. Je n'ai fait aucune prise. Eh bien, tant pis. Rentrons au palais. Bien, Altesse. Allez, par ici, toi. Par le blabout sacré. Regardez, Altesse. Quoi ? Qu'est-ce ? Un tigre ? Non, là, Altesse. Un jeune blanc, pris dans un piège. Pardon, messieurs, auriez-vous l'amabilité de me délivrer ? Mais... Bien sûr. Vous avez de la chance que nous soyons passés par ici. Comment vous remercier ? À qui ai-je l'honneur, monsieur ? Monsieur ? Je suis le Maharaja de Rawashputana. Je suis vraiment très honoré. Altesse ! Altesse ! Le seigneur tigre, là, sur cette grosse branche ! Malheur ! Je l'ai manqué. Ne craignez rien, Altesse. J'en fais mon affaire. Et voilà. Eh bien, félicitations. Et maintenant, rentrons au palais. Vous êtes mon hôte. Monsieur, monsieur... Tintin, reporter. C'était Les cigares du pharaon d'Hergé, 4e épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Daviau, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Gérard Giroudon, Mr. Peacock, Michel Favori, le Docteur Fini, Cécile Brune, Mrs. Snowball, Sylvia Berger, la Vache Sacrée, Éric Genovese, le Maharaja de Rawashputala, Alain Langlais, Philémon Cyclone, Alexandre Pavlov, Zlotsky, Laurent Natrella, le Fakir, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Heck, Dupont, Gilles David, le Directeur de l'Asile, Jérémy Lopez, Milou, Elliot Génico, le Brahman, Louis Arène, un lieutenant, Benjamin Laverne, un policier, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Claire Boost, Ewen Crovella, Charlotte Fermant, Thomas Guenet, Solène Louer et Valentin Roland. Bruitage, Sophie Bissens et Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Jean-Baptiste Etchepare-Borde et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Benjamin Habitant.